éternel, célébrez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'éternel, qui publiera toutes ses louanges. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité. Nos pères n'ont pas compris tes miracles, ils ont oublié la grandeur de ta grâce. Ils se sont rebellés près de la mer, près de la mer rouge. Souviens-toi de moi, Éternel, dans ta bonté, à cause de ton peuple, visite-moi par ton salut. Il les délivra pourtant à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Ils oublièrent Dieu leur sauveur, mais il ne les abandonna pas. Plusieurs fois il les délivra, mais ils s'obstinaient dans leur dessein. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations. Louez l'Éternel. Amen.